semble un peu fragile. Et ce collier de larmes qui s'accroche à ton cou semble sonner l'alarme du dernier de mes coups. Le dernier de mes coups. J'aimerais pouvoir te dire que tes yeux. Mais ce collier de larmes qui s'accroche à ton cou semble sonner l'alarme du dernier de mes coups. Le dernier de mes coups. J'aimerais pouvoir te dire que tes yeux. No.